Chapitre 22. La lutte contre les envahisseurs. Comme tous deux étaient encore à un demi-mille de distance, une brise légère qui soufflait du sud apporta aux naseaux de Louve Grise l'odeur des intrus. De l'épaule, en signe d'avertissement, elle heurta Kazan qui, à son tour, flaira dans l'air l'odeur étrange. Celle-ci ne fit que s'accroître à mesure qu'ils avançaient. À 200 yards environ des castors, ils perçurent le craquement soudain d'un arbre qui tombait et le claquement de l'eau sous sa chute. Ils s'arrêtèrent net et, durant une bonne minute, ils demeurèrent les nerfs tendus et aux écoutes. Puis ils entendirent de nouveaux clapotements dans l'eau, accompagnés de cris perçants. Louve Grise tourna vers Kazan ses yeux aveugles. Mieux que lui, elle savait ce dont il s'agissait, et elle eût voulu pouvoir le lui dire. Ils reprirent en avant leur petit trot. Quand ils arrivèrent là où ils avaient laissé un îlot cerclé d'un peu d'eau et l'arbre creux qui les avait si longtemps abrités, Kazan éprouva un ahurissement sans limite en face du prodigieux changement qui avait eu lieu durant leur absence. Un étang couvrait le sol, inondant arbres et buissons. Kazan et Louve Grise s'étaient avancés sans faire de bruit, et les ouvriers de dents brisées ne se doutaient en rien de leur présence. Dents brisées en personne était fort occupé à saper un arbre. Près de lui, quatre ou cinq bébés castors s'amusaient à construire une digue en miniature avec de la boue et des petites branches. Sur la grande digue, d'autres enfants castors, un peu plus âgés mais pas encore adultes, grimpaient puis se divertissaient follement à se laisser glisser sur sa pente comme en toboggan pour culbuter finalement dans l'eau. C'était leur plouf et leur petit cri joyeux que Kazan et Louve Grise avaient entendu. Les castors adultes étaient au travail en divers endroits. Kazan avait déjà assisté à des scènes semblables, lorsque, dans la partie supérieure de la vallée, il était passé près de la première colonie des castors. Cela ne l'avait point alors intéressé. Il n'en était plus de même aujourd'hui. Les castors avaient cessé d'être pour lui de simples animaux aquatiques, coriaces et non comestibles, et qui exhalaient une odeur déplaisante. C'étaient les envahisseurs de son domaine, donc des ennemis, et ses crocs se découvraient en silence. Son échine se mit en brosse, les muscles de ses pattes de devant et ceux de ses épaules se tendirent comme des cordes de fouet et, sans jeter un seul cri, il se précipita sur dents brisées. Le vieux patriarche n'avait point pressenti le danger qui le menaçait. Il n'aperçut Kazan que quelques secondes avant que le chien loup l'eût atteint. Il s'arrêta de scier son arbre, mais lent à se mouvoir sur la terre ferme, il parut hésiter un instant. Kazan était déjà sur lui lorsqu'il se laissa dégringoler vers le torrent. Il y eut un corps à corps rapide entre le castor et son agresseur. Mais Dents Brisées glissa comme de l'huile sous le ventre de Kazan et se retrouva bientôt en sûreté dans son élément, avec deux morsures à vif dans sa queue charnue. Kazan demeura fort estomaqué de l'échec de son attaque et de la fuite de son insaisissable ennemi. Ahurisé et épouvanté du spectacle auquel il venait d'assister, les bébés castors, qui se trouvaient sur la berge, étaient demeurés figés sur place. Ils ne se réveillèrent qu'en voyant le chien loup qui fondait sur eux. Trois de cinq qu'ils étaient eurent le temps de regagner l'eau. Pour les deux autres bébés, il fut trop tard. D'un simple claquement de mâchoire, Kazan brisa le dos de l'un. Il saisit l'autre par la gorge et le secoua en l'air comme un terrier fait d'un rat. Louve Grise, qui avait entendu la brève bataille, vint rejoindre son compagnon. Elle renifla les deux tendres petits corps qui avaient cessé de vivre et se prit à gémir. Sans doute, les deux mignonnes créatures lui rappelaient-elles ses propres petits, ceux que le lynx avait étranglés sur le Sunrock, et Barry qui s'était enfui, car il y avait dans son gémissement une sorte d'attendrissement maternel. Mais si Louve Grise avait des visions sentimentales de ce genre, il n'en était pas de même pour Kazan. Le chien loup s'était montré aussi froidement impitoyable à deux des petites créatures qui avaient envahi son domaine que l'avait fait le lynx pour la première portée de Louve Grise. Ce succès remporté sur ses ennemis excitait davantage encore son désir de tuer. Il côtoyait en proie à une sorte de frénésie le bord de l'étang, grognant à l'adresse de l'eau trouble sous laquelle Dambrisé avait disparu. La tribu entière s'était pareillement réfugiée dans le liquide élément, dont la surface se soulevait au passage de tous ces corps nageant entre deux eaux. Kazan arriva ainsi à l'une des extrémités du barrage. C'était nouveau pour lui. Mais l'instinct lui enseignait que cet ouvrage était l'œuvre de Dambrisé et de sa tribu. Pendant quelques instants, il s'acharna furieusement contre les bûches et contre les brindilles entrelacées. Soudain, à quelques 50 pieds de la berge, vers le centre de la digue, l'eau s'agita et la grosse tête ronde de Dambrisé émergea. Pendant une demi-minute de tension mutuelle, le castor et le chien loup se mesurèrent du regard. Puis, tout tranquillement, Dambrisé sortit de l'eau son corps humide et luisant, grimpa au faîte de la digue et s'y étala à plat ventre face à Kazan. Le vieil ingénieur était seul. Aucun autre castor ne se montrait plus. La surface de l'étang était maintenant sans une ride. Vainement, Kazan tenta de découvrir un passage lui permettant d'arriver jusqu'à son ennemi qui semblait le narguer. Mais entre le mur solide de la digue centrale et la berge, il n'y avait qu'une charpente à claire-voie à travers laquelle l'eau transitait en bouillonnant comme à travers les portes à demi fermées d'une écluse. Par trois fois, Kazan s'acharna à se frayer un chemin dans cet enchevêtrement de branches et trois fois, ses efforts n'aboutirent qu'à un brusque plongeon dans l'étang. Le vieux patriarche, pendant ce temps, ne remuait toujours pas. Quand enfin Kazan, découragé, eut abandonné son attaque, Dambrisé se laissa glisser sur le bord de la digue et disparut sous l'eau. Le malin castor avait appris que, pas plus que le lynx, Kazan était capable de combattre dans l'eau, et il alla répandre cette bonne nouvelle parmi les autres membres de la tribu. Kazan vint rejoindre Louve Grise, il s'étendit près d'elle au soleil et se remit à observer. Au bout d'une demi-heure, il vit, sur la rive opposée, Dambrisé qui sortait de l'eau à nouveau. D'autres castors le suivaient et tous se remirent de compagnie à la besogne, comme si rien n'était arrivé. Les uns recommencèrent à scier leurs arbres, les autres travaillaient dans l'étang, apportant avec eux et mettant en place leurs charges de ciment et de brindilles. Le milieu de l'étang était leur ligne de mort. Pas un ne la dépassait. Une douzaine de fois, un des castors nagea jusqu'à cette ligne et s'y arrêta en regardant les petits corps que Kazan avait tués et qui étaient demeurés sur la berge. Sans doute était-ce la mère qui eût voulu aller vers les innocentes victimes et ne l'osait point. Kazan, qui s'était un peu calmé, réfléchissait sur ces êtres bizarres qu'il avait devant lui et qui usaient à la fois de la terre et de l'eau. Ils n'étaient point aptes au combat et, si nombreux fussent-ils contre lui seul, ils déguerpissaient comme des lapins dès qu'il était à portée de les atteindre. Contre lui, Dambrisé, dans leur corps à corps, n'avait même pas fait usage de ses dents. Il en vint à conclure que ces créatures envahissantes devaient être chassées à l'affût, comme les lapins et les perdrix, en vertu de quoi il se mit en route dans le courant de l'après-midi, suivi de Louve Grise. Par une ruse coutumière au loup, il commença par s'éloigner de la proie convoitée et remonta tout d'abord le cours du torrent. Le niveau y avait considérablement monté par l'effet du barrage des castors et de nombreux gués qu'il avait maintes fois traversés étaient devenus impraticables. Il se décida donc au bout d'un mille à traverser le torrent à la nage en laissant derrière lui Louve Grise. que son horreur de l'eau retenait au rivage. Puis il redescendit silencieusement la rive opposée, en se tenant à une centaine de yards du torrent. Un peu en deçà de la digue, aulnes et saules formaient un épais fourré. Kazan en tira profit, il put s'avancer sans être vu et s'aplatit sur le sol, prêt à s'élancer dès que l'occasion s'en présenterait. Pour l'instant, la plupart des membres de la tribu travaillaient dans l'eau. 4 ou 5 seulement étaient sur la berge. Il allait bondir sur eux quand, au dernier moment, il décida de s'avancer encore un peu vers la digue. Il était bien caché dans son fourré et le vent était pour lui. Le bruit de l'eau, qui jaillissait en cascatelle à travers les claires-voies du barrage, étouffait le son de ses pas. Le barrage était sur cette rive encore inachevée et à quelques pieds seulement de la berge. Dambrisé était en plein travail avec ses ouvriers. Le vieux castor était à ce point affairé, occupé qu'il était à mettre en place un rondin de la grosseur du bras d'un homme, qu'il ne vit point la tête et les épaules de Kazan surgir des buissons. Ce fut un autre castor qui, en piquant aussitôt une tête dans l'eau, lança l'avertissement. Dambrisé releva la tête et ses yeux rencontrèrent les crocs découverts de Kazan. Il était trop tard. Déjà Kazan, se risquant sur le tronc couché d'un petit bouleau, était sur lui. Ses longs crocs s'enfoncèrent profondément dans le cou de son ennemi. Mais le vieux compère avait plus d'un tour dans son sac. Se rejetant en arrière d'un mouvement brusque, il réussit à faire perdre à Kazan l'équilibre. Simultanément, ses dents, tranchantes comme un ciseau, réussissaient une prise solide à la gorge du chien-loup. Mutuellement rivées ainsi l'une à l'autre, les deux bêtes firent dans l'onde un bruyant plongeon. Dambrisé, nous l'avons dit, pesait dans les 60 livres. De l'instant où il fut dans l'étang, il se retrouva dans son élément et, s'accrochant opiniâtrement à la gorge de Kazan, il se laissa couler à fond comme un morceau de plomb en entraînant avec lui son adversaire. L'eau verte se précipita dans la gueule de Kazan, dans ses oreilles, dans ses yeux et dans son nez. Il était aveuglé et étouffé. Tous ses sens étaient en tumulte. Mais au lieu de se débattre afin de se dégager au plus vite, il s'obstinait à ne point lâcher Dambrisé, retenant sa respiration et resserrant davantage ses crocs. Bientôt il toucha le fond mou et bourbeux de l'étang et commença à s'enfoncer dans la vase. Alors il s'affola et comprit qu'il y allait pour lui de la vie ou de la mort. Il abandonna Dambrisé pour ne plus songer qu'à fermer hermétiquement ses mâchoires afin de n'être point suffoqué par l'eau. Et de toute la force de ses membres puissants, il lutta pour se libérer de son ennemi, pour remonter à la surface, vers l'air libre et vers la vie. L'entreprise, qui sur terre eût été facile, était ici terriblement malaisée. L'adhérence du vieux castor était sous l'eau, plus redoutable pour lui que celle d'un lynx à l'air libre. Comble de malheur, un second castor, adulte et robuste, arrivait dans un remous de l'eau. S'il se joignait à Dambrisé, c'en était fait de Kazan. Mais le sort en avait décidé autrement. Le vieux patriarche n'était pas vindicatif. Il n'avait soif ni de sang ni de mort. Maintenant qu'il était délivré de l'étrange ennemi qui, 2 fois, s'était jeté sur lui et qui maintenant ne pouvait plus lui faire aucun mal, il n'avait aucune raison de conserver Kazan sous l'eau. Il desserra sa petite gueule. Ce n'était pas trop tôt pour le père de Barry, déjà aux 3/4 noyé. Il parvint cependant à remonter à la surface et, accrochant ses pattes de devant à un petit arbre du barrage, il se maintint la tête hors de l'eau durant 10 bonnes minutes jusqu'à ce qu'il eût absorbé de suffisantes bouffées d'air et retrouvé la force de regagner le rivage. Il était anéanti, trempé comme il ne l'avait jamais été. Il grelottait de tous ses membres. Ses mâchoires pendaient bas. Il avait été battu à plate couture. et son vainqueur était un animal d'une race inférieure à la sienne, il en sentait toute l'humiliation. Lamentable, épouvant à peine se traîner, il remonta le cours du torrent qu'il lui fallut retraverser à la nage pour aller retrouver Louve Grise qui l'attendait.